Je suis en alliance avec mon Dieu. Je suis en alliance avec mon Dieu. Une émission du Centre évangélique francophone Arche de l'Alliance Goma. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur l'Éternel afin de raconter toutes tes œuvres. Psaume 73, 28. Bonne condition d'écoute. Seigneur, merci. Sans toi, nous ne pouvons rien, Seigneur. Nous te bénissons, nous te rendons grâce et gloire pour la puissance de ton amour et de ta bonté. Nous invitons ta sainte présence à ces lieux. Nous t'invitons, Seigneur, jaillis au milieu de nous. Jaillis par ta parole, jaillis par ton esprit, jaillis par ta présence. Accorde-nous grâce, nos grâces, ô Dieu. Donne-nous, Seigneur, de vivre la reine de ta présence et que l'œuvre de l'Esprit, les œuvres de l'Esprit se déploient en ces lieux. Merci, Saint-Esprit, parce que tu es là. Saint-Esprit, viens, manifeste-toi. Saint-Esprit, enflamme ta parole dans nos cœurs et nos esprits. Merci, Seigneur. À toi soit la gloire. Parle à nos cœurs, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Comment ça va? On est mouillé. Alléluia. Nous bénissons Dieu pour la nature. La Bible dit, tout est à lui, par lui et pour lui. La suite dit, à lui la gloire. La pluie est à lui, par lui et pour lui. Merci Seigneur. Merci Seigneur aussi pour les voitures. On peut acclamer le Seigneur pour les voitures. Ok, c'est possible que tu n'en as pas encore. Acclame pour la voiture de l'autre. Maintenant, acclame pour ta propre voiture qui est en route. Vous savez, quand nous sommes véhiculés, les aléas comme ça n'ont pas beaucoup d'effet. Mais merci aussi pour le courage de braver le froid, de braver tout ce que vous avez connu. Alléluia. Alléluia. Et disons merci et karibu à Papa Falai. Karibu. Viens saluer l'assemblée. On peut l'accueillir, votre frère. Tu es resté jeune, frère. Regarde, vous avez vu, non? Même si le manteau est devenu blanc, mais... Comment ça va? Ok, tes frères sont là. Shalom, peuple de Dieu. Je suis dans la joie de me retrouver chez vous, dans notre maison. Je voulais tout simplement reprendre la parole qui va vous dire à quand j'ai mis les pieds pour la toute première fois ici. Il est en train de dire, écoutez dans le Seigneur, ce qui est dans le monde. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? On acclame le Seigneur. Et ma maman docteur. Ok. Caribou. Il a été éprouvé et que Dieu soit béni. Il a fait sa volonté. Merci. La santé. Alléluia. Notre méditation ce matin, nous l'avons intitulée Amour, virgule, clé pour mes jaillissements divins. Amour, virgule, clé pour mes jaillissements divins. Et les textes sont là. Nous pouvons les noter rapidement et nous allons avancer dans notre message. Alléluia. En fait, nous évoluons dans notre année des jaillissements divins et nous sommes aujourd'hui au 23e jour de l'année de non-jaillissement divin. Ce matin, Dieu voudrait atteindre un objectif. Je vous le livre carrément. Ça facilite le message et la compréhension. C'est que l'amour est l'état intérieur de base. L'amour est l'état intérieur de base qui permet que les jaillissements divins partent de nous, sortent de nous. L'amour est l'état intérieur de base. L'amour est la clé pour jaillir. Autrement dit, il n'y a pas d'amour, ce qui sortira n'est pas jaillissement divin. Dans notre monde, vous pouvez observer ce qui se passe, où les gens envoient des millions au peuple déplacé, au peuple en détresse, et disent « Achetez les haricots, achetez les bâches, achetez les quoi, nous vous aimons. » Mais quand on regarde très souvent, on constate que ce sont les mêmes personnes qui ont engendré les guerres en question. Est-ce de l'amour? Vous pouvez observer dans nos milieux ou dans nos régions des réalités socio-économiques auxquelles certaines nations disent « Nous venons vous aider, nous venons vous assister. » Mais quand vous observez les dessous des cartes, vous constatez que la même main de celui qui vient assister est causale du problème. Où est l'amour? Sans amour, tout ce que nous faisons sur la terre n'a pas de sens. On peut emballer nos valises et rentrer au ciel. Sans amour, tout ce que tu fais dans ton foyer n'a pas de sens. Quelquefois, les hommes ont apporté des cadeaux à leurs femmes. Mais quand la femme discerne, elle constate que c'est juste un bouche trou ou un bouche crise, un bouche, parce que l'homme sait d'où il vient, qu'est-ce qu'il a fait, et pour boucher les trous, il amène un cadeau. Et il dit, je t'aime madame, je t'ai amené un cadeau. Un homme normal, une femme normale, sentira que c'est sec, c'est sèche, c'est vide, ces cadeaux-là. Vous servez le Seigneur. Allons, servons le Seigneur. Allons à l'évangélisation. Sans amour, même les personnes que tu évangélises sentiront que tu es creux. Pourquoi sentiront-ils que tu es creux? Parce que le matériel qui devait faciliter l'accès des bénéficiaires à ce que tu offres, le matériel qui devait les aider à accéder à ça, n'est pas dedans. Tes œuvres de bienfaisance ou de bienveillance vont paraître grattées, ça fait mal même. N'avez-vous jamais reçu un cadeau et au lieu que ça vous donne de la joie, ça vous énerve, ça vous fâche. Et vous vous demandez, mais bon, quand même, j'ai reçu quelque chose, mais qu'est-ce qui se passe? L'amour, clé pour mes jaillissements divins. Il est écrit, ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Alléluia. Or, le monde attend de nous un signe de sa gloire. Le monde nous attend. Le monde et toute la création nous attendent. Et ils soupirent après la rencontre d'un archois. Les êtres humains sur la terre attendent un archois, attendent une archoise. La création qui est autour de nous attend de rencontrer quelqu'un. Elle nous attend, dis à ton voisin. On nous attend. Dis-le avec assurance. On nous attend, on nous attend. On nous attend. Alléluia. Romains 8, 19 à 23, il est écrit, « Ainsi la création attend-elle avec un ardent désir la manifestation ou la révélation ou la sortie ou la démonstration ou l'apparition des fils de Dieu. » 23. « Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Nous aussi nous soupirons. Nous avons les prémices de l'Esprit. Nous soupirons aussi. Après la manifestation des fils de Dieu. » Dans Éphésiens 1, chapitre 13 à 14, il est écrit, « En lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Le Saint-Esprit que nous avons reçu est un gage. » Les jours de notre conversion, nous avons reçu le Saint-Esprit, un gage, c'est-à-dire une garantie du divin pour notre héritage éternel. Mais quand nous lisons et nous rappelons d'Ézéchiel 47, versets 1 à 12, que nous avons lu notre texte de base pour cette année, il nous révèle quatre dimensions au niveau de croissance dans le mystère de la plénitude. Nous avons vu l'esprit au niveau des chevilles, des genoux, des reins, et puis au niveau du nager, au niveau du je me laisse aller par Dieu. Mais autant Dieu veut que le jaillissement fonctionne au niveau nager, au niveau de la plénitude. Vous savez, il est difficile de déborder avant la plénitude. Il faut que le vase soit plein pour déborder. Lorsque ce n'est pas encore plein, vous pouvez en jouir vous-même. Mais quand c'est plein, ça atteint les autres. Alléluia. Trois niveaux de besoin du jaillissement divin. Autrement, nous voulons jaillir pour répondre à quoi? Il y a trois niveaux de besoins pour lesquels le jaillissement qui est en toi est attendu. Le premier niveau, ce sont les êtres humains sans Dieu. Les êtres humains sans Dieu. Matthieu 28, 19. Allez, faites toutes les nations, des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Le deuxième besoin, c'est la création qui subit les coups de la chute en Éden. La création. Nous avons lu cela dans Romains 8, 19 à 21. Et troisième niveau, ce sont les croyants qui ont les prémices de l'Esprit. Les croyants. Les croyants. Acte 1, 8. Et vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survena sur vous et vous serez mes témoins en Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Il n'est pas dit et vous recevrez un gage. Quand Jésus parle, il s'adresse aux apôtres, aux disciples qui ont déjà reçu Christ. Ils ont déjà le gage, mais il dit vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survena sur vous et vous serez mes témoins. Nous n'allons pas jaillir avec le gage. Nous n'allons pas impacter avec le gage. Tu n'iras pas avec ton gage dans les supermarchés. Tu ne vas pas distribuer ton gage. Mais tu as besoin de la plénitude afin que tu aies quelque chose à donner, que tu aies quelque chose à distribuer. Le gage est une garantie pour l'éternité, pour le divin en nous, pour notre relation avec Dieu. Le gage a son rôle. Mais pour jaillir, nous avons besoin de la plénitude. De la plénitude. Alléluia. Nous avons donc déjà les prémices. C'est bon. Mais les prémices de l'esprit en nous ne suffit pas pour le jaillissement divin. Parce que nous ne sommes pas la destination finale du jaillissement. Jean 4, 14, Jésus dit à la Samaritaine, et l'eau, c'est-à-dire la vie que je te donnerai. C'est-à-dire l'eau divine que je te donnerai. Deviendra en toi une source qui jaillira jusque dans l'éternité. Dieu voudrait que toi et moi, nous devenions des sources. Devenir une source va au-delà du gage de l'esprit les jours de notre conversion. C'est pourquoi la semaine prochaine, à partir de dimanche prochain, nous avons une semaine de prière et de jeûne où nous voulons prier Nous voulons gratter le trône de Dieu. Nous voulons que Dieu jaillisse en nous. Nous voulons dire, Seigneur, merci pour le gage. Mais maintenant, je veux la plénitude. Parce que je veux jaillir maintenant. Je veux jaillir. Je ne veux pas rester à ces seuils élémentaires de la vie chrétienne. Je ne veux pas rester à ces seuils de récepteur universel. Je veux donner, je veux jaillir, je veux déborder moi aussi. Je veux déborder. Aide-moi, Seigneur. Nous allons prier, je vous ai dit, cette année, il faut prier Koufana Koupona. Vous vous rappelez? Du 30 au 6. Et du 7 au 15, nous allons avoir une semaine de jaillissement d'amour. Alléluia. Alléluia. On va jaillir. Parlons d'abord de ces choses. Après, nous allons comprendre de quoi nous parlons. Alléluia. L'état intérieur de base pour notre jaillissement. État intérieur de base. Dans 1 Corinthiens, chapitre 13, verset 1 à 13. 1 Corinthiens, chapitre 13. Regardez cela avec moi. Il est écrit, « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don des prophéties, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. » Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne sert de rien. Vous avez vu trois choses? Je suis un airain qui résonne, une cymbale qui retentit. Deuxièmement, je ne suis rien. Et troisièmement, cela ne me sert de rien. Ça veut dire, quand il n'y a pas la base, amour, tout ce que nous pouvons prétendre faire jaillir, même si cela a l'impression ou la forme du divin, même si cela ressemble à quelque chose qui vient du ciel, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. C'est pourquoi nous avons besoin de connaître la source de l'amour. Romains chapitre 5, verset 5. Il est écrit, « Et son grand amour est répandu dans mon cœur par le Saint-Esprit qui m'a été donné. » Son grand amour est répandu dans mon cœur par le Saint-Esprit qui m'a été donné. Donner. Son grand amour est répandu dans mon cœur. Dans Éphésiens 3 et à 6, nous voyons au verset 2, vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu qui m'a été donnée pour vous. Verset 3, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire un peu de mots. Verset 6, ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers. Forme un même corps, participe à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. Et au chapitre 10 de Romains, versets 14 et 15, il est écrit, « Et comment invoqueront-ils celui qui n'ont pas cru? Comment croiront-ils à celui dont ils n'ont pas entendu parler? Comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aurait-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Comment prêcheront-ils si leurs cœurs ne sont pas remplis d'amour? » Tu vas aller prêcher sans amour? Ça va marcher? Comment les gens vont attendre? parler de Christ s'il n'y a pas un prédicateur rempli d'amour? Vous voyez, si je vous prêche sans amour, vous allez le sentir. Et si tu vas prêcher à quelqu'un dans le quartier sans amour, il va le sentir. Il saura que tu es peut-être en train de venir combler un rapport à donner à ton pasteur ou à ton organisation. Il y a des gens qui prêchent pour les rapports. Il y en a qui servent Dieu pour les rapports. Il y en a même qui se donnent beaucoup de sacrifices pour les rapports. Certains vont même servir Dieu pour le positionnement. D'autres servent Dieu pour attraper un peu d'argent. Tu vas servir les gens, tu vas prêcher les gens parce que il faut que tu sois connu pour ta renommée. Mais il n'y a rien de l'amour dans ce que tu fais. Par conséquent, aucune efficacité. Tu peux obtenir des résultats mécaniques, des conversions mécaniques. Les gens vont commencer à venir dans ton église mécaniquement. Sans amour, cela ne sert à rien. Sans amour, je ne suis rien. Sans amour, je suis un cymbale qui retentit. Je suis un bruit qui dérange les gens. Sans amour. Alléluia. Alléluia. Et Paul dit dans Éphésiens 3, 14 à 19, j'ai fléchi les genoux devant le Père afin qu'il vous donne d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, nous puissions connaître. Fondés dans l'amour, mais quel amour? Romains 5, 5, ce grand amour est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Et verset 19, afin que nous puissions connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Remplis de toute la plénitude de Dieu. Dieu, tu peux vraiment venir à moi dans toute ta plénitude? Oui. Mais ça passe par quoi? L'amour. Il est écrit que vous puissiez connaître l'amour de Dieu dans la longueur, la hauteur, la profondeur. La largeur. L'amour de Dieu dans toutes ses dimensions. Pour servir à quoi? Sans amour, il est impossible de jaillir de manière authentique. Manière authentique. Sans amour. Tu peux revoir tout ce que tu fais dans la vie. Est-ce qu'il y a de l'amour dedans? Alléluia. Partageons sur quatre grandes leçons de ce sujet. La première leçon, c'est qu'il a fallu de l'amour. Ou alors, du divin amour, parce qu'il y a maintenant amour et amour sur la terre. On nous bourre les oreilles, je t'aime, tu aimes, j'aime, mon amour et tout ça, c'est bon. Mais je parle ici du divin amour. Il a fallu du divin amour pour que Dieu jaillisse sur la terre par son Fils unique, Jésus-Christ. Jean 3, 16, car Dieu a tant aimé le monde. On peut y aller. Ok, essayons de vaincre le froid. On peut le dire avec chaleur, s'il vous plaît. Il a donné son fils unique. Laissons même la partie suivante là. Revenons. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a fait quoi? Il a donné son fils. Dieu, pour jaillir sur la terre, qu'est-ce qui a soubassé le jaillissement du divin Dieu sur la terre par son fils? C'est quoi? Il a tant aimé. Il a tant aimé, il a jailli sur la terre. La Bible dit, le monde attend de nous un signe de sa gloire. Est-ce que ça suffit le signe de sa gloire? Paul nous dit, si même je vais faire les prophéties, les miracles, etc., si je n'ai pas l'amour, cela ne sert à rien. Car Dieu a tant aimé, il a donné. Il a donné. Comment il a donné? Il a jailli. Jésus dit dans Apocalypse chapitre 5, versets 1 à 12, dans l'expérience de Jean à l'île de Patmos, il est écrit, et j'ai pleuré beaucoup parce que personne ne fut trouvé digne de regarder le livre ni d'en rompre les sceaux. Mais l'ange vint et il me dit, ne pleure plus Jean. Quelqu'un s'est levé. L'agneau est déjà là. Il est parti. Il a pris le livre. Il a rompu les sceaux. Il faut de l'amour pour prendre et accepter une mission où vous allez pour mourir. Une mission où vous allez pour quitter votre gloire. Heureusement pour les ouvriers, nous en avons parlé la fois dernière dans la journée des ouvriers. L'appel de Dieu est gloire et quoi? La croix. L'appel de Dieu égale gloire et croix. Utukufu na musalaba. Musalaba. Maintenant, il faut de l'amour pour accepter l'appel de Dieu. Parce qu'il y a la gloire et la croix dedans. Il faut de l'amour pour que Christ quitte sa gloire. Qu'il vienne naître dans l'étable. Pas de maternité, pas d'hôtel. Qu'il monte, qu'il grandisse dans la famille d'un couple charpentier. Ça veut dire, on n'a pas nécessairement 4 repas par jour comme vous. Il faut de l'amour pour que Christ vienne sur la terre là. Regardez, Romains chapitre 5, versets 5 à 8. Lisons cela à haute voix, tous ensemble. Romains chapitre 5, 5 à 8. On peut y aller, média. Allons-y à haute voix, s'il vous plaît. L'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. 7. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous. On sait que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Il faut de l'amour. À peine mourrait-on pour un juste. Ça serait plus facile de venir mourir pour les hommes justes, pas pour les méchants que nous étions, pas pour les têtes dures que nous étions. pas pour les impénitents que nous étions. Seigneur, comment tu acceptes une telle mission? Mon amour pour les humains. Il faut de l'amour. Et nous connaissons où trouver l'amour en question, n'est-ce pas? Verset 5. Son amour est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Et le Saint-Esprit qui nous a été donné au niveau cheville, au niveau genou, au niveau rein, au niveau nager, déterminera quel sera le niveau d'amour avec lequel nous serons prêts à jaillir. Si tu as reçu l'esprit au niveau cheville, tu auras l'amour au niveau cheville. Et tu peux faire des choses d'amour au niveau très élémentaire. Si tu es rempli de l'esprit au niveau genou, au niveau rein, et ainsi de suite, tu seras rempli d'amour à ces degrés-là. Et les jaillissements partant de toi peut être véritablement une solution pour notre monde. Une solution. Prenez aussi Genèse 1, 26 à 28, parce que depuis le commencement, Dieu a créé l'univers et le monde par amour pour l'homme qu'il allait créer à la fin. Nous en avons déjà longuement parlé. Vous pouvez même observer le cas de Caïn dans Genèse chapitre 4, versets 1 à 7. Caïn, qu'est-ce que tu as fait? Mon offrande a échoué. Mon offrande a raté. Oui, l'amour de Dieu fait déplacer Dieu pour aller voir Caïn et lui dire, Caïn, tu as échoué, c'est vrai, mais il est possible de réussir. Ça demande de l'amour pour aller aider quelqu'un qui a échoué comme Caïn. Dieu, merci pour ton amour pour Caïn. Et il dit à Caïn, Caïn, si tu agis bien, ça va marcher. Je te conseille de faire mieux. Dieu, tu es venu me conseiller. Oui, je te conseille parce que échouer une fois, ce n'est pas la fin. Mon amour veut que tu réussisses comme ton petit frère. Et voici les conseils. Tu peux aussi réussir. Dites à ton voisin, tu peux aussi réussir. Il en va de l'amour. De l'amour. Pour jaillir. Buona sifiwe. Deuxième grande leçon. Il nous faut un cœur rempli d'amour ou du divin amour pour porter le salut de Dieu aux extrémités de la terre. Le salut de Dieu, si je peux l'apporter à ma femme ou à mes enfants, je n'ai pas besoin d'une grande cargaison de divin ou ainsi de suite. Mais porter le salut de Dieu aux extrémités de la terre, ça demande de l'amour. Actes chapitre 9, verset 6 et verset 16. Quand vous regardez cet homme, Saul de Tarse, Jésus lui dit au verset 6, lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Verset 16, verset 15, Dieu dit à Ananias, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois, devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Saul, tu es sauvé pour souffrir pour mon nom. Et Ananias, comment tu vas chez ce méchant? Paul, il a entraîné ou organisé le massacre d'Étienne. Il était le leader quand on a lapidé Étienne. Comment tu vas aller chez lui? Et tous les disciples crient et disent, attention à cet homme, c'est un persécuteur. Et Ananias, tu vas aller le voir, dit oui, je vais. J'obéis à Dieu. Il faut de l'amour, frère, sœur, pour aller vers des gens comme ça. Il faut de l'amour pour aller vers ton frère qui est dans l'occultisme et qui ne veut rien entendre et qui a affiché toutes ses gloires, ses hauteurs dans le mal, dans son salon, avec des idoles et ainsi de suite. Il faut de l'amour pour être capable d'aller jaillir sur lui ou en lui. Il faut de l'amour pour porter le salut de Dieu aux extrémités de la terre. Ésaïe chapitre 49, verset 5 à 7. Regardez cela. Ésaïe 49. On peut le lire ensemble, allons-y. Maintenant l'Éternel parle, lui qui m'a formé dès ma naissance pour être son serviteur, pour ramener à lui Jacob et Israël encore dispersés, car je suis honoré aux yeux de l'Éternel et mon Dieu est ma force. Verset 6, il dit, c'est peu que tu sois mon serviteur pour élever les tribus de Jacob et pour ramener le reste d'Israël. Je t'établis pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Ainsi parle l'Éternel, le Rédempteur, le Saint d'Israël, à celui qu'on méprise, qui est en horreur au peuple, à l'esclave des puissants, des rois les verront, ils se lèveront, des princes, ils se prosterneront, à cause de l'Éternel qui est fidèle, du Saint d'Israël qui t'a choisi. Choisi pour aller où? Pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. C'est pourquoi je vous ai dit, archois et archoise, on nous attend. Tu peux encore m'aider à lui dire, dis-le au voisin, on nous attend. Lumière des nations et porteur de salut aux extrémités de la terre. Mais comment cela sera-t-il possible? Il faut de l'amour. Il faut de l'amour. Troisième grande leçon. Les missions qui portent le jaillissement en destination sont multiples, mais doivent être sous-basées par le divin amour. Il s'agit de 6 missions que je vous cite en passant. Vous allez méditer peut-être là sur, on n'a pas le temps de détailler chaque mission. L'évangélisation. Nous allons déborder en évangélisation. Déborder en évangélisation. Il faut que notre cœur soit rempli d'amour pour déborder en évangélisation. Matthieu 28, 18 à 20, acte 1, 4. Jésus dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem, attendez que la promesse du Père soit accomplie. Attendez, nous attendons quoi? Nous attendons le Saint-Esprit. Pourquoi nous attendons? Les gens se perdent et disent, attendez. Verset 8, car vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Or, le Saint-Esprit survenant sur vous signifie... Le Saint-Esprit remplissa vos cœurs d'amour. Vous risquez de vous précipiter dans la mission sans amour. Alors attendez l'effusion du Saint-Esprit pour que la mission jusqu'aux extrémités de la terre soit rendue possible dans la puissance de l'amour que le Saint-Esprit distille dans nos cœurs, comme base du jaillissement. Nous n'allons pas jaillir sans amour. Dis-le à ton voisin, nous n'allons pas jaillir sans amour. Deuxième mission, la libération des captifs. Jean 8, 36, il est écrit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. Psaume 68, verset 19. Psaume 68, verset 19, regardez cela rapidement. Psaume 68, il est écrit, tu es monté dans les hauteurs, tu as amené des captifs, tu as pris en don des hommes, les rebelles habiteront aussi près de l'Éternel Dieu. Rebelles, captifs, habiteront aussi près de l'Éternel. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont été libérés de la captivité. Quand vous regardez les autres textes, Éphésiens 4, 8, Luc 4, 19, Zacharie 9, 11, Ésaïe 61, 1 à 3, vous allez constater que Jésus lui-même, il est venu sur la terre pour libérer les captifs. Il a fallu de l'amour, beaucoup d'amour, pour que nous-mêmes qui étions captifs, nous soyons libérés. Troisième mission, l'édification du corps de Christ. Éphésiens 4, 12 à 13, il est écrit, il a établi les cinq ministères pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Et Colossiens, j'aimerais que tu le regardes, Colossiens 1, 25 à 29, Colossiens, chapitre 1er, verset 1, verset 25. Il dit, lisons ensemble, c'est d'elle que j'ai été fait ministre, selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Verset 28, c'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme, instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Il faut de l'amour pour vous mettre en charge d'amener quelqu'un devenu parfait à Christ. Ça coûte. Tu es responsable de département, tu es pasteur, tu es évangéliste, tu es. Nous sommes chargés d'amener les êtres humains devenus parfaits à Christ. Impossible si il n'y a pas d'amour dans les cœurs. Impossible. Impossible. Comment aurons-nous l'amour? Par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui nous a été donné répand en nous l'amour. Dès que l'amour est là, nous jaillissons. Nous jaillissons. Et nous jaillissons de quoi? Nous jaillissons en mission d'édification du corps de Christ. Quatrièmement, quatrième mission, le service pour Dieu. Jean 12, 26. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Acte 20, 24. Je n'ai fait aucun camp de ma vie comme si elle m'était précieuse pourvu que j'accomplisse ma course et le ministère que j'ai reçu du Seigneur, savoir annoncer la bonne nouvelle de Dieu. Paul, tu ne fais aucun camp de ta vie comme si elle t'était précieuse? Dis oui. Comment tu parviens à fonctionner de cette façon-là? L'amour dans mon cœur. Et on voit Paul partir dans les régions au Moyen-Orient, je veux dire au Proche-Orient, en Asie, en Europe, à Rome. Paul, il risque même un naufrage. Paul, il se retrouve à Malte, il est piqué par une vipère. Paul, tu vas où, Paul? J'ai jailli en Europe. Je suis en train de partir. Je vais parler au roi. Jésus a dit, je vais porter son salut au roi, aux nations, au peuple d'Israël. Je suis en train d'y aller. Mais comment tu parviens à y aller? C'est beaucoup d'amour dans mon cœur qui m'aide à y parvenir. Buona sifiwe. Dites à ton voisin, tu dois demander l'amour. Il faut demander l'amour. Cinquième mission qui aide à faire parvenir les jaillissements au destinateur, c'est la bienfaisance et la bienveillance. Bienfaisance et bienveillance. Vous pouvez noter Marc 14, 7, Jérémie 32, 41, Esaïe 1, 17, Galates 6, 9, 2 Thessaloniciens 3, 13, 1 Timothée 6, 18. Marc 14, 7, Jérémie 32, 41, Esaïe 1, 17, Galates 6, 9, 2 Thessaloniciens 3, 13, 1 Timothée 6, 18, Jacques 4, 17. La bienfaisance et la bienveillance. Vous voyez, il faut de l'amour pour que la bienfaisance soit vraie. Qu'elle soit vraie. Ce frère-là, il fait beaucoup de bien aux gens, hein? Il fait de bien. On a toutes ces organisations internationales qui apportent la bienfaisance. Espérons que c'est poussé par l'amour. C'est vous qui savez, vous qui êtes dedans. N'est-ce pas? Faire du bien. Ou jaillir en bienfaisance. Jaillir en bienveillance envers notre prochain. Ça demande de l'amour. Sixième mission, la pastorale des brebis du Seigneur. Ézéchiel 34, 8, Jean 21, 6, 16 à 17. Vous voyez cet interrogatoire de Christ avec Pierre. Pierre, m'aimes-tu? Oui, je t'aime. Pierre, m'aimes-tu? Oui, je t'aime. Pierre, m'aimes-tu? Et Pierre comprend qu'il y a un autre problème. Il dit, mais Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. Mais pourquoi tu insistes sur l'amour à Pierre? Parce que j'ai dit à Pierre, Pierre, je bâtirai mon église. Pierre, quand tu seras grand, affermis tes frères. Pierre, les jours de la Pentecôte, s'élève et il prêche. 3000 âmes sont converties. Pierre, Pierre, m'aimes-tu, Pierre? Si Il y a des choses que je compte faire avec toi, Pierre. Est-ce que tu m'aimes? Autrement, est-ce que il y a le socle de l'amour? Est-ce que le soubassement? Est-ce que l'état intérieur de ton cœur, Pierre? Est-ce que dedans il y a l'amour? Parce que le jaillissement que je suis en train de déclencher tout à l'heure, bientôt là, tu vas être en premier rang dans cela. Est-ce qu'il y a l'amour, Pierre? S'il n'y a pas amour, Pierre, je ne vais pas passer par toi. Je prendrai même Matthieu ou Jean. Pierre, m'aimes-tu, Pierre? Il dit, Seigneur, tu sais toutes choses. J'espère que je t'aime. Je crois que je... Et puis voici, le jour de la Pentecôte. Si Pierre peut se lever, lui aussi, les langues de feu sur sa tête, le tout à coup est arrivé à Pierre également. Or, le Saint-Esprit répand l'amour de Dieu dans nos cœurs. Et donc, Pierre, l'onction, l'Esprit de Dieu dans le débordement, te permet de te lever. Je crois que Pierre n'a même pas cherché un tambour ou une table sur laquelle se mettre pour prêcher. C'est venu, c'est parti. L'amour qui débordait en Pierre l'a fait ouvrir la bouche et il a prêché. Lisez sa prédication dans Actes chapitre 2, vous allez voir. Quel message! Merci Seigneur pour la plénitude du Saint-Esprit qui a apporté en même temps un niveau d'amour vers la plénitude d'amour et qui permet à Pierre de jaillir en évangélisation. Et quand vous lisez la suite 41 à 47, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, il persévérait dans la prière, il persévérait dans la communion fraternelle, il persévérait dans la fraction du pain. Et il est écrit, il n'y avait pas d'indigents, personne ne disait que ceci est à moi, ils avaient tout en commun. Qu'est-ce qui vous arrive? L'amour que nous avons reçu dans la plénitude du Saint-Esprit nous permet d'être capables de tenir compte de notre prochain et d'exercer bienveillance, d'exercer bienfaisance. Mais ce même amour, les pasteurs, les évangélistes, les responsables, ils en ont besoin. Paul dit, priez pour nous, afin que nous soyons capables de servir. Vous savez, il faut de l'amour pour être pasteur. Est-ce que j'ai dit vrai? Ça demande de l'amour. Monsieur le pasteur, tu dois présenter ce peuple parfait en Christ devant le Seigneur bientôt. Mais qui sont-ils? Qu'est-ce qu'on attend d'eux? Quels sont les témoignages? Quels sont les feedbacks que nous recevons de vous? N'est-ce pas ce genre de truc? Mais tu sais, tel, il entretient une deuxième femme à gauche. Tel, non mais... Seigneur, devons-nous démissionner? Vous savez, très souvent, on a le sentiment qu'on a échoué quand on attend ce qui se passe dans vos vies. Très souvent, je dis, Seigneur, si tu trouves que je ne suis pas efficace, alors prends quelqu'un d'autre. Quelquefois, ça fait pleurer. Il faut de l'amour pour continuer à vous servir. Il faut de l'amour pour continuer à jaillir. Il faut de l'amour. devant nous. Vous savez, mes frères, pour y arriver, le dimanche prochain, toute la semaine en question, nous allons être ici pour demander à Dieu de jaillir en nous. Et la semaine qui va suivre, la semaine du 7 au 15, ce sera la semaine du jaillissement en bienfaisance, du jaillissement en bienveillance. Je crois que Dieu nous a bénis chacun de nous, n'est-ce pas? C'est vrai? Qui c'est qui l'est béni dans cette église? Est-ce que vous êtes riche? Je peux entendre un vrai oui. Ok, si vous ne l'êtes pas encore, donnez même un oui de la foi. Il y a Imani. Est-ce que vous êtes riche? Ok. Regardez. Jaillir en bienfaisance peut consister à des cas comme ceci. Je vous explique rapidement et puis nous allons prier. Si un motard te prend parce que vous êtes riche, cette semaine-là, mets suffisamment d'argent dans ta poche pour les motos. Et le motard t'a pris et tu lui payes quand il te fait arriver, mais tu lui donnes le double de ce qu'il t'a demandé. Et tu lui dis, la suite ici, je paye pour la personne que tu vas prendre après moi. Est-ce qu'un archois peut être capable de juste de ça? C'est faisable. Et comme nous sommes riches, les motards versent le soir à leur boss 10 ou 15 dollars, peut-être 20. Je vais vous poser la question, tel qu'on est ici, dans 2 semaines, vous êtes à mesure d'attraper un 20 dollars pour que la semaine 17, tu puisses prendre la journée d'un motard. Tu dis, motard, viens. Tu verses combien? 10. Et tes mille qui c'est combien? 5 ou 10. Ok, viens. Tu prends 20 dollars aujourd'hui. Tu ne fais pas payer. Tu transportes les gens. Et lorsqu'ils te payent, suivez d'abord. Aïko mambo ya maku acclamé. Ni mambo ya kutenda. Suivez. Tu as pris le motard, tu l'as loué. Tu vas payer son versement et tu vas payer aussi son mileki. Parce que le motard gagne plus que le. Vous savez, non? Alors tu as prévu 20 dollars et tu les lui donnes. Il prend le premier client le matin. Il le dépose à Virunga et lui dit, tu ne payes pas. Quelqu'un a payé pour toi. Mais l'argent que tu voulais me payer fait du bien à la vieille qui est là-bas ou bien à la dame là. Ou bien fais quelque chose du bien à quelqu'un. Achète même un murongo, va donner à quelqu'un dans le quartier. Ça peut marcher ça? Il prend un deuxième client. Et posez-moi la question, les motards transportent combien de gens durant toute la journée? Peut-être 20 ou 50. Il aura jailli en amour. Les motards, mais en fait c'est toi. Tu auras jailli dans une multitude de vies dans une journée par la mission de la bienfaisance. Est-ce qu'un archois est capable de faire ça? Il y a trois oui, hein? Ok, 3 personnes feront ça. Alléluia. Tu entres dans un bus. Il y a combien de gens dans le bus? 10, 15 personnes, 18. 18 fois 500 francs, c'est quoi? Hein? Combien 1000? 9000. Ok. Est-ce que Narchois peut avoir 9000 francs? C'est pas 9000 dollars. C'est pas 9000 dollars, hein? Est-ce qu'un archois peut trouver 9000 francs? Et que tu es rentré dans le bus et tu dis au chauffeur et tu dis à tous les clients, vous ne payez pas, je paye pour vous. Et puis tu le partages, Christ. Tu leur dis, Jésus vous aime et vous aussi. L'argent que vous vouliez payer dans ces bus aujourd'hui, quand vous allez sortir, faites du bien à quelqu'un. Moi, je viens de payer pour vous. Ça peut marcher, non? C'est la semaine du 7 au 15. Nous serons en train de faire ça. Mais il y a des gens qui sont cloisonnés par leur richesse et par leur bien-être. Certains sont esclaves de leur voiture. N'est-ce pas que vous êtes prisonnier de votre bien-être? C'est-à-dire, je suis dans ma voiture. Attends, sinon si je transporte quelqu'un, c'est de l'insécurité. Il va me kidnapper. On ne sait jamais. Ok. Je vais vous inviter chacun à vaincre son bien-être. Dites à ton voisin, il faut vaincre ton bien-être. Que Dieu te donne la victoire sur ton bien-être. Que Dieu te donne la victoire et la capacité de sortir de ton bien-être pour être capable de jaillir. De jaillir. On peut prier un peu? Tu peux demander à Dieu quelque chose? Allons-y. Parle au Seigneur. La semaine prochaine, nous allons demander la plénitude. La semaine suivante, nous serons en train de jaillir dans cette ville, de jaillir dans nos entreprises, de jaillir dans la ville, de jaillir de toute manière. Nous jaillirons. Saint-Esprit, nous voulons jaillir. Saint-Esprit, libère ton amour en nous, répand ton amour en nous. Saint-Esprit, nous avons soif de toi. Saint-Esprit, nous te demandons, Saint-Esprit. Saint-Esprit, nous te prions, Saint-Esprit. Nous te supplions, Saint-Esprit. Levons nos mains ensemble, nous voulons prier. Seigneur, dites avec moi, Seigneur mon Dieu. Je voudrais jaillir vraiment, mais je ne serai pas sans amour. Et comme toi, Esprit de Dieu, tu es chargé de me remplir d'amour, tu es aussi chargé de me conduire dans toute la vérité. Je te prie, libère ton amour en moi et amène-moi dans les 6 missions. Pour apporter le jaillissement aux êtres humains, à la création.